Les autres étrangers participant à la réunion du 16e comité de coordination du programme de coopération et de développement sur la sécurité et l'utilité gestionnaire du Nord Asiatique de l'Organisation internationale de l'aviation civile ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung. Ils ont visité également le monument aux États du Jutsé et le musée de la guerre de la libération de la patrie.